Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Dicoche. Salut Sofiane. Salut Dicoche, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Peut-être une, allez ouais. une. Oh, allez pas, je pense pas que ce soit... J'ai pas non plus, j'ai vécu des galères forcément, des bides, tu vois. Tout le monde connaît le bide où tu. Bien sûr. Où avant de monter sur scène, tu fais ta blague, t'es devant ton miroir, tu penses qu'elle va, que tu vas retourner la salle et t'arrives. Grand classique. Ah, laisse tomber, tu réfléchis à ta vie, tu repenses au CAP que t'as laissé tomber. C'est ça. Mais tu quittes ta femme, tu laisses tes gosses, ouais, je sais. Tu remets en question ta vie, tu rentres, t'es la queue entre les jambes, gars. C'est incroyable. Mais ouais, à part les... j'ai vécu des bides, forcément, mais je crois qu'il y a une fois où ça m'avait... Je commençais, mais je commençais pas, genre depuis quelques semaines. Ça faisait... J'avais quand même un peu de coffre, tu vois, j'avais de la répartie. Ouais. C'était une période où j'aimais bien improviser. Mm-hmm. Et on était dans la salle et tout, je faisais mon set, tout se passait bien. Et il y avait un mec bourré dans la salle. Ouais. Et les mecs bourrés, je crois, pour les humoristes, c'est la pire des choses. Ouais. Parce que encore t'as un mec qui est sobre et qui à un moment t'interpelle, tu vois ce que je veux dire, donc tu peux le calmer, ouais. Mais un mec bourré, il a perdu la raison, tu gagneras jamais. Et je l'ai appris ce jour-là, je savais pas. Je l'ai appris ce jour-là et je commence à jouer et tout, et y a un mec bourré qui se lève. Au moment où il se lève hein, dans la salle pendant que je suis en train de jouer, tout le monde est assis, et il part, il balance un truc, je sors une vanne, tout le monde rigole. Je ne savais pas encore qu'il était bourré. Genre, il continuait à parler, je ressors une vanne, les gens rigolent. Sauf que le mec, il continue à parler. Et là, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est pas possible. Et les gens commencent à sentir qu'il y a un malaise. Et en fait, je vois que le mec est bourré. Mais genre bourré. Et le mec commence à partir dans un monologue. Et personne de la sécurité est venu à mon aide. Oh. Parce que faut savoir que j'ai fait des vannes juste avant. Et ça a marché, tu vois ce que je veux dire. Uh-huh. J'avais de quoi rebondir. Sauf que contre un mec bourré, tu peux pas l'emmener à la raison. Un mec normal, tu le vannes une fois, deux fois, il arrête. Il dit, c'est bon, j'ai perdu. Mais lui, il continuait, il a fait son monologue et tout. Et gars, personne dans l'organisation est venu pour l'arrêter. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Je suis pas venu pour souffrir, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas venu pour souffrir. J'ai arrêté. On salue Myriam. Ah, j'ai dit, ah, laisse tomber, J'ai dit, ah, j'arrête. J'ai dit, c'est bon. Soit vous me le sortez, soit moi, je sors. Enfin, respectez-moi un peu. Et donc, je me souviens, ça m'avait traumatisé. Et depuis ce jour-là, dès que je vois un mec bourré dans la salle, j'essaye de l'éviter un maximum. Parce que tu ne gagneras jamais contre un mec bourré. C'est devenu ma kryptonite, le mec bourré. C'est ça. Donc, voilà, quoi. Je pense que c'est ça, ma galère sur scène. Celle, en tout cas, qui m'a bien marqué. Ah ben, je comprends tout à fait. T'inquiète pas, c'est notre kryptonite à tous, hein, ça c'est clair. Les mecs bourrés, c'est une horreur. Et surtout, quand tu dis, tu vois, que les organisateurs ont rien fait, c'est là où c'est vraiment dommage. Parce que normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui dise « Calme-toi, laisse le spectacle se passer. » C'est comme ça. T'as un mec qui est là, le mec, on lui dit de se calmer, on lui fait un geste, on le sort. Et si c'est un mec bourré, tu le sors. Oui, normalement, ça devrait se passer comme ça. Malheureusement, les mecs bourrés vont nous pourrir encore pas mal de soirées, pire que le Covid. Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir raconté cette anecdote. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors sur les réseaux sociaux? Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux à Dicoche, Dicoche. D'accord, ok, pas de souci, on te retrouve partout. Et puis pareil, moi aussi, sur tous les réseaux sociaux. Donc vous tapez Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. D'ailleurs, toi aussi, t'es sur TikTok, monsieur Dicoche. Depuis peu, ouais. Ouais, et j'ai vu les vidéos, c'est sympa, c'est clair. En tout cas, vous me retrouvez un petit peu partout aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.